The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Can. Pouvoir. To be quiet. Se taire. Important. Important. Really. Vraiment. Since. Depuis. Match point. La balle de match. Cutie. Le mignon. To win. Gagner. Now, a bit faster. Since. Depuis. Match point. La balle de match. Cutie. Le mignon. Can. Pouvoir. To be quiet. Se taire. Really. Vraiment. Match point. La balle de match. Important. Important. Can. Pouvoir. To win. Gagner. Match point. La balle de match. Cutie. Le mignon. To be quiet. Se taire. Important. Important. Really. Vraiment. Cutie. Le mignon. To win. Gagner. Cutie. Le mignon. Now, use the words in context. Pouvoir. You can call me if you want. Tu peux m'appeler si tu veux. Se taire. Be quiet. Tais-toi. Important. It's important for you. C'est important pour toi. Depuis. I've studied French for 2 years. J'étudie le français depuis 2 ans. Gagner. He wins all the time. Il gagne tout le temps. Important. It's important for you. C'est important pour toi. Depuis. I've studied French for 2 years. J'étudie le français depuis 2 ans. Gagner. He wins all the time. Il gagne tout le temps.